16h sur Studek Web. Studek Web. L'heure média arrive après juste 2 minutes d'info. Studek Web, les infos. Et c'est avec William Baudry. Bonjour William. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Un tireur a ouvert le feu dans un bar discothèque bondé situé dans la banlieue de Los Angeles. Ces faits se sont produits hier soir lors d'une fête étudiante. 12 personnes ont été tuées, dont un policier. L'assaillant est lui aussi décédé dans l'établissement. On ne sait pour le moment pas si cet homme a été abattu par les forces de l'ordre ou s'il s'est suicidé. On ne connaît pas non plus son identité et ses motifs. Autre interrogation, le nombre de blessés qui reste lui aussi encore indéterminé. Manfred Weber représentera la droite européenne pour les élections du Parlement européen. Ces dernières auront lieu en mai prochain. L'Allemand a été investi lors du congrès du Parti populaire à Helsinki. Si le PPE reste la première force au Parlement à l'issue du prochain scrutin, il pourrait prétendre à la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Retour en France, Emmanuel Macron poursuit son périple mémoriel dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Suite à ses propos jugés polémiques sur le maréchal Pétain et la colère contre le prix des carburants qui persiste, il a encore fait le grand écart entre sujets d'actualité et mémoire de la guerre 14-18. Le chef de l'État était ce matin en visite à l'usine Renault près de Maubeuge dans le Nord. Un ouvrier protestataire hué par les autres lui a crié qu'il n'était pas le bienvenu. S'en est suivi un échange vif où le président l'a accusé de caricaturer sa politique et d'être ridicule, tout en défendant avec force sa politique économique. À Marseille, 6 corps ont au total été extraits des décombres des immeubles qui se sont effondrés. 2 immeubles voisins vont être démolis par sécurité. L'opération va alors entraîner la suspension des opérations de recherche. 2 autres victimes sont encore potentiellement ensevelies. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est la cible de nombreuses critiques depuis ces effondrements de bâtiments vétustes. Il appelle l'État à faire évoluer la réglementation pour faciliter et accélérer les procédures contre l'habitat indigne. Il a également écarté toute idée de démission. Didier Deschamps a annoncé sa liste de convoqués pour les 2 derniers matchs de l'année. Les Bleus affronteront les Pays-Bas et l'Uruguay les 16 et 20 novembre prochains. Le sélectionneur a rappelé Anthony Martial en forme avec son club de Manchester United. Lucas Hernandez est quant à lui absent puisqu'il est touché à la cuisse. Autre info football, Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur de Guingamp qu'il a dirigé de 2010 à 2016. Le club breton dernier du championnat de France avait limogé Antoine Comboiré pour ses mauvais résultats. On termine avec la météo. Le soleil sera bien présent jusqu'à la tombée de la nuit sur la majorité du territoire. Peu de nuages viendront perturber ce temps agréable. Ce soir, le ciel demeurera assez dégagé dans l'ensemble, mais des nuages et même de la pluie feront leur apparition sur la région PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera 11 degrés à Bordeaux et Paris, 16 à Montpellier, 10 à Nancy et Rouen, 14 à Toulon et 9 à Lyon. Voici la suite de l'heure média avec Adrien. Merci William. Prochain point sur l'actu dans 20 minutes. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h, 17h. Radio Ganaswinda, bonjour! Robin. Et en plus, c'est un massagiste en or! Adrien. Brigitte, en plus, a résisté à la canicule. Romain. Le seul moment où il y a des gens élégants à télévision, c'est quand on refait le match. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studek Web. Studek Web, 16h, 17h, c'est l'heure média. Votre nouvelle émission de l'actualité des médias. Ça se fait une petite semaine qu'on a emménagé ici. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je me présente. Je suis Adrien et je suis accompagné de mon équipe. Si vous avez plus de musique sur votre téléphone, Robin vous donnera les meilleures sorties pour compléter eh bien, votre playlist. Bonjour Robin. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et tu nous donneras votre programme télé donc à 16h50 pour pouvoir regarder les meilleurs films ou les meilleurs documentaires en rentrant du travail. C'est ça, je vous donnerai les programmes à regarder ce soir à la télé. Romain est avec nous pour répondre à toutes vos questions sur les médias. Vous pouvez d'ailleurs lui en poser dès maintenant avec le hashtag LeurMédia. Bonjour Romain. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Et pour compléter cette équipe, nous avons la personne qui va remonter le niveau intellectuel de l'émission, Tony Boulanger. Bonjour Tony. Bonjour Adrien. Oui, pour remonter le niveau intellectuel, ça va être difficile, je crois. Oui, parce qu'on est déjà très très bêtes, nous. Allez, vous allez tous pouvoir vous confronter dans un instant avec vos arguments, avec le d'accord, pas d'accord. Vous allez jouer pour faire gagner à nos auditeurs un pack Studek Web. Si vous aussi, derrière votre poste de radio, vous avez envie d'en gagner une, envoyez dès maintenant un mail à heuremedia@studekweb.com. Mais tout de suite, on écoute la voix sensuelle de Selena Gomez, oui, avec la production de DJ Snake. C'est Taki Taki, Studek Web. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba. Un besito bien suavecito, bebé. besito, bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizard boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me you for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumbo. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rum. DJ Snake sur Studio Web. Les avis s'opposent dans le d'accord pas d'accord sur Studio Web. Le d'accord pas d'accord, c'est un débat entre les membres de cette équipe, mais vous aussi vous pouvez participer chez vous dès maintenant. Rendez-vous sur la page Facebook Studio Web et le Twitter avec le hashtag Leur Média. On parle film avec l'annulation de Shrek 5 au cinéma qui va être remplacé par un reboot de la série. En effet, en juillet 2015, nous apprenions que Shrek allait revenir pour un cinquième opus. Finalement, en fait, le projet a été annulé. Le nouvel épisode devait voir le jour en 2019, mais avec le rachat de DreamWorks par Universal Pictures en 2016, cela a un peu modifié les plans concernant le retour de l'ogre vert. Il y a des fois où j'aimerais bien redevenir un ogre, un vrai, rien qu'une journée. Il n'y a qu'à demander. Les transactions magiques, c'est ma spécialité. Bienvenue dans un autre fort fort lointain. Ah ouais, d'accord. Hé, hey, j'ai pas signé pour ça. Ses amis ne le connaissent plus. J'ai jamais vu ta face de ma vie. C'est moi, Shrek. Au secours, je me fais rafter par un nom cristallique. Shrek, Fiona, Lan ont été Shrek, Fiona, Lan ont été vus pour la dernière fois sur grand écran en 2010 avec le chapeauté qui a eu droit à un spin-off en 2011. Et depuis, la saga n'avait plus fait parler d'elle, sauf l'année dernière avec l'annonce d'un nouvel opus des aventures de la saga, qui révisite les contes de fées pour se moquer de Disney. Mais ce cinquième épisode est désormais de l'histoire en scène, puisque le studio a confié à Chris Meledandri, le producteur de Moi, Moche et Méchant, la mission de faire un reboot de la saga Shrek. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée de faire un reboot de la saga culte ou de la continuer? Alors, moi, Robin, je suis plutôt pour parce que justement, moi, j'ai regardé 15 millions de fois les Shrek du premier jusqu'au quatrième et moi, un cinquième me dérangerait pas avec des nouveaux concepts, avec une nouvelle histoire. Surtout Lan, moi, il me fait, mais alors, mourir de rire. Et je pense qu'il en a fait rire aussi d'autres derrière leur écran. Donc, c'est un peu un film de ton enfance, quoi. Ah oui, voilà, carrément, carrément. Oui, c'est le film, j'en ai au moins, ouais. Collection. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis contre, alors parce que j'ai peur que ça dénature justement les épisodes précédents. On a vu notamment d'autres reboots comme SOS Fantôme, Les 4 Fantastiques, Robocop ou la série Charms. Et à chaque fois c'était extrêmement décevant. Après il y a quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le réalisateur voudrait continuer avec les voix originales du dessin animé. On retrouvera par exemple la voix de Mac Myers, Eddie Murphy qui joue la voix de Lan, Cameron Diaz et Antonio Banderas. Donc pour moi, ça c'est plutôt le point positif, on va dire. Et toi Romain, qu'est-ce que tu en penses? Même avis que Tony, Je pense que c'est, après, ça va être le film de trop et on va être déçus totalement. Eh bien, d'ailleurs, c'est un petit peu les mêmes idées que vous avez sur Facebook, hein, puisque, eh bien, il y a Arthur qui nous a écrit « Je suis pour ce reboot. Le premier film était original, mais les suites ont été décevantes. Alors, continuez de réagir sur la page Facebook Studek Web et sur le Twitter Leur Média. On lira tous vos messages après le journal des médias. Juste avant, une nouveauté Studek Web, c'est Martin Garrix, en fait, avec Mick Young. C'est Dreamer sur Studek Web. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream, I got freedom, and that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go, I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard, keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Qu'est-ce qu'il est bon ce nouveau Martin Garrix sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bonjour. Le combat des audiences était à son comble hier. France 2 présentait son téléfilm inédit. M6 diffusait quant à elle la demi-finale de son concours culinaire Le Meilleur Pâtissier. Face à ses poids lourds des audiences, TMC dévoile un nouvel épisode de Burger Quiz. Tony Boulanger revient sur les audiences d'hier soir. Dans le top 3 des chaînes hertziennes, France 2 s'est hissé en tête des audiences avec son téléfilm inédit, Les Ombres du Passé. Le programme a convaincu près de 4,13 millions de téléspectateurs. TF1 prend la deuxième place du podium avec sa série Esprit Criminel qui a attiré en moyenne 3,56 millions de fidèles. M6 suit avec la demi-finale de la saison 7 de son concours culinaire Le Meilleur Pâtissier. L'émission a réuni environ 2,81 millions de gourmands. Dans le top 3 des chaînes de la TNT, TMC arrive en tête avec son jeu Burger Quiz. L'émission d'Alain Chabat a rassemblé 942 000 joueurs. C8 est deuxième des audiences TNT avec Access, la nouvelle série d'Ahmed Silla. Pour sa grande première, le programme a démarré avec environ 670 000 téléspectateurs. Avec Joséphine Ange Gardien, TFX termine troisième de ce top avec en moyenne 839 000 fidèles. Merci Tony. Comme chaque jour à 16h15, le journal des médias, on commence avec le sommaire. M6 prépare une spéciale meilleure pâtissier version familiale. Camille Combal à la place de Nikos Aliagas à la saison prochaine et à la tête des NRJ Music Awards sur TF1. Et Elis Lucet dévoile son salaire dans le magazine Marie-Claire. Et on connaît la date de retour de Jean-Pierre Pernaut aux infos de 13h. On commence avec M6 avec son émission culinaire. Et oui, le meilleur pâtissier prépare une spéciale famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour la première fois dans l'histoire, le concours, c'est en famille. Que 6 anciens pâtissiers amateurs font leur retour sous la tente en compagnie de leurs jeunes proches. Ils vont s'affronter en duo pour tenter de remporter le trophée en fin d'année du meilleur pâtissier. La compétition en famille ne sera pas pour autant un cadeau comme pour les grands. 3 épreuves redoutables festives attendent nos duos de pâtissiers devront se surpasser pour offrir à Cyril Lignac et Mercotte des réalisations des sections. De quoi vous en mettre plein les papilles. Effectivement, c'est compliqué. Hein. Camille Combal à la place de Nikos Aliagas la saison prochaine à la tête des NRJ Music Awards. C'est une info dévoilée dans Touche pas à mon poste par Daniel Moreau. TF1 pense à Camille Combal pour animer les NRJ Music Awards l'année prochaine. De son côté, Gilles Verdez a ajouté « TF1 veut mettre pour l'année prochaine un duo Camille Combal et Iris Métainard ». Cyril Hanouna a ajouté « Ça se passe très bien pour Nico sur Europe 1. Il se rapproche de plus en plus du journaliste. Il aurait envie de faire autre chose. » Il aurait envie de passer la main et pense plus que c'est Nikos qui veut arrêter TF1, qui veut l'arrêter, a estimé l'animateur. Très vite, Maëlys Carcebal, la directrice de la communication du groupe TF1, s'est exprimée pour démentir les informations de Touche pas à mon poste et dans un tweet a cité sur un chacha une nouvelle intox. Elise Lucet dévoile son salaire. Et oui, dans une interview accordée à Marie-Claire, Elise Lucet est revenue sur une rumeur concernant son salaire à France Télévisions. Il y a quelques mois, le site Téléstar avait annoncé que l'animateur touchait 25 000 euros par mois pour la présentation de Envoyé spécial, mais également le magazine Cash Investigation. À l'occasion d'une interview pour le magazine féminine Marie-Claire, Elise Lucet a fait face à ces rumeurs et a réagité et a cité « Mon prétendu salaire, ça dépend des mois, mais oui, ça tourne autour de ça. Cette histoire m'a occupé l'esprit pendant 48 heures et puis voilà, ça fait partie du job. Je n'ai pas du tout envie de me faire des amis, mais poursuivre la journaliste de France 2. Et pour finir, on connaît la date de retour de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Suite à un problème de santé, je vous rappelle, Jean-Pierre Pernaut avait été contraint de quitter la présentation du journal. Mais bonne nouvelle, il revient aux commandes du journal de 13h de TF1 le 12 novembre prochain. Sur Facebook, Mélanie réagit. Perso, j'ai regardé Le Meilleur Pâtissier sur M6. J'adore trop Mercotte et je vois que je ne suis pas la seule. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et ça fait vraiment très très plaisir. On lira tous vos messages dans un instant. Avant ça, vos informations, vos musiques préférées avec Madame, Monsieur. Merci. Il y aura aussi Happier Marshmallow. Et nos animateurs vont jouer au C'est qui, c'est quoi. Alors pour rappel, le C'est qui, c'est quoi en fait. Romain, est-ce que tu peux nous rappeler le sujet? C'est une voix trafiquée qui est à retrouver pour gagner un pack Studek Web. Et justement, vous allez devoir répondre à cet extrait. Mondial, c'est les images d'un déni, je crois, en fait. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est comment on en est arrivé là. Et très franchement, il y a beaucoup d'industriels qui ont compris dès les années 70 que le plastique était une catastrophe pour l'environnement. Il y a des scientifiques, on les a retrouvés, qui ont fait des rapports pour des grands industriels, notamment comme Coca-Cola, mais pour d'autres aussi, hein, y compris en Europe, en disant, attention, vous allez laisser tomber la consigne en verre, vous allez adopter le plastique, c'est la mauvaise solution pour la planète et pour l'environnement. Et dans un instant, on va revenir là-dessus et justement, nos animateurs vont devoir deviner qui se cache derrière cet extrait. Je pense avoir une idée. Et d'ailleurs, on revient dans un instant. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Et l'info. Studek Web, les infos. J'aime beaucoup ce jingle. L'info en deux minutes avec Thomas Sellière. À Los Angeles cette nuit, une fusillade a eu lieu, déplorant une douzaine de morts civiles, dont un policier. Le tireur de ce massacre est un ancien militaire de 28 ans, selon les autorités locales. Il a trouvé la mort après la fusillade dans des conditions encore inconnues. La piste terroriste n'est pas encore écartée, mais les détails de ses motivations ne sont pas encore révélés. Le bar était alors bondé lorsque le drame est arrivé. Des témoignages parleraient d'une soirée étudiante avec plusieurs centaines de jeunes. Emmanuel Macron dénonce une fausse polémique et un mauvais procès face aux propos qu'il a tenus la veille sur le maréchal Pétain. Il a précisé qu'il n'avait jamais été question d'avoir une célébration individuelle. Il faut reconnaître la vérité de l'histoire, mais rester dans notre devoir de mémoire et rester aux conséquences de l'indignité qu'il a été reconnu, a-t-il annoncé à Maubeuge en dénonçant la boîte à folie des polémiques inutiles. Le président Emmanuel Macron toujours a défendu fortement sa politique économique dans une usine Renault près de Maubeuge. Un ouvrier protestataire lui aurait crié qu'il n'était pas le bienvenu, alors que le président de la République était aux côtés du PDG du groupe Carlos Ghosn. Il a eu la surprise de se faire prendre à partie par un syndicaliste de SUD. Un échange vite s'en est suivi. Le président aurait alors accusé le syndicaliste de caricaturer sa politique et d'être ridicule. Le mouvement de grogne contre les hausses des prix du carburant le 17 novembre prochain n'aura pas le soutien des syndicats. Selon un chercheur en sciences politiques et spécialiste du syndicanisme, la réaction des syndicats était très paradoxale puisqu'ils sont, je cite, les premiers à souhaiter une jonction avec la société civile. Le mouvement né d'une pétition en ligne a créé un phénomène de masse sur les réseaux sociaux incitant les automobilistes à bloquer les axes routiers. Oui, la fin de journée est donc très agréable sur l'ensemble de la France. Le soleil brille malgré quelques nuages qui parsemeront la France. Seule la Corse, les Alpes-Maritimes verront quelques averses au cours de l'après-midi, mais qui devraient disparaître dans le début de soirée. Pour la soirée et le début de nuit justement, la pluie dominera sur le Finistère, l'Aveyron ainsi que les Deux-Sèvres. Pour les températures, les moyennes sont de 9 à 17 degrés au cours de la journée et de 5 à 14 degrés cette nuit. Notons également 13 à Strasbourg, 14 à Bordeaux, 17 à Toulon et 12 degrés à Paris. Merci Thomas, on retrouve l'info dans 20 minutes. Studec, l'infotrafic. Vous nous écoutez peut-être sur la route, le trafic est-il fluide, Tony ? Effectivement Adrien, la circulation est fluide aujourd'hui en Ile-de-France. Quelques embouteillages perturbent cependant la circulation sur le périphérique parisien. Sur l'autoroute A86 qui mène Versailles à Créteil, un accident corporel s'est produit à la sortie Vélizy. Un poids lourd est impliqué, des chargements sont tombés sur la chaussée, la bande d'arrêt d'urgence est fermée. Sur le boulevard périphérique parisien extérieur, on remarque la présence d'embouteillages, notamment à l'intersection de l'autoroute A3 de Rosny-sous-Bois à Paris. Concernant les transports en commun, le trafic est perturbé sur la ligne 16 de Pont-de-Sèvres à Montreuil et sur la ligne 2, Nation-Porte Dauphine. La reprise normale du trafic est estimée vers 16h30. Merci Tony, on te retrouve à 14h40 pour le prochain Infotrafic. L'actu musicale de Robin, c'est juste après Madame, Monsieur. Merci et merci d'écouter leurs médias sur Studiac Web. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Qu'un navire ami a redonné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Dans ce studio, on adore cette musique, c'est Merci sur Studio Deck Web. Jeudi musique. Robin, demain sort de nouveaux opus musicaux, tu peux nous en dire plus ? Effectivement Adrien, puisque vendredi 9 novembre 2018 sort de nouveaux albums dans les bacs. Et on commence par mon coup de cœur, Soprano, le Marseillais juré de The Voice Kids qui sort son nouvel album Phoenix. Dessus, on y retrouve À la vie, à l'amour. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. On pourra aussi le retrouver en duo avec le rappeur français Niska, intitulé Zoom. Il fait partie de mes coups de cœur, il a animé ma jeunesse en chantant avec son groupe Les Psychiatres de la Rime. Il a continué avec une carrière solo exceptionnelle en tant qu'écrivain de ses propres chansons, avec des messages dans l'une d'entre elles, dans Mon Précieux justement, avec l'utilisation de nos smartphones. On passe à la chanson française avec le nouvel album de Eddy de Préto, culte. À 25 ans, ce cristolien d'origine devient le nouveau génie des mots de la française. Son style et ses textes ont su séduire et toucher son public. Eddy de Préto expose dans ses textes de nombreux problèmes de société tels que l'homophobie ou encore ce qu'il appelle la virilité abusive, notamment dans la chanson Kid. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos. Ah, j'adore ce titre. Sur la planète, quelles sont les nouveautés musicales ? Côté rock, c'est Muse qui sort son tout nouvel opus, Simulation Theory. Cet album est composé de 11 titres, dont Thought Contagion. Et 10 de ces titres seront avec des versions acoustiques alternatives en bonus. Information à retenir, suite à la sortie de cet album, le groupe fera une tournée mondiale dès 2019. On reste dans le même thème pour finir ce jeudi consacré aux sorties des albums avec Imagine Dragons, avec Dane Reynolds et toute sa groupe. Le groupe pop rock américain sortira un nouveau disque Origins avec pour titre phare Natural. Nouvelle chanson, ça va cartonner partout dans le monde, croyez-en, j'en suis sûr. Merci Romain en tout cas pour cette actu musicale. C'est vrai que personnellement là ce Natural, on l'a écouté hier sur ce Studio Aquabon Exclus, et là, franchement c'est... il est tellement bon. Il y a Mehdi sur Facebook, perso je suis fan d'Eddy de Préto, Kid, et merci surtout à vous qui nous écoutez. Et pour vous remercier, je vais vous offrir dans un instant un pack Studio Aquab avec Romain. Qu'est-ce qu'il y a dans le pack Studio Aquab? Vous avez un mug, des stylos, des stickers et vos entrées pour la visite des studios de Studec Web. Et tout ça à l'effigie de Studec Web. Et ça, c'est génial. Allez, pour vous inscrire, envoyez dès maintenant un mail à heuremedia@studioecoledefrance.com. Dans moins d'une demi-heure, vous retrouverez le GPS de Studec Web présenté par Rémi, Dove et Romain. Ils vous accompagneront sur la route. Retrouvez l'histoire des meilleurs artistes et des musiques cultes dans le Vinyl Story et dans votre instant culture avec plein phare. Des idées de sortie près de chez vous et des bons plans sont au programme. Et également des cadeaux avec le jeu de la marche arrière où vous pourrez tenter de remporter votre pack Studec Web. Pour bien vous rentrer du travail, utilisez votre GPS, le Grand Prime Studec à 17h sur Studec Web. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission ? Le C'est qui c'est quoi sur Studec Web. Et c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer sur Studec Web. Tentez de gagner votre pack Studec Web en vous inscrivant dès maintenant par mail heuremedia@studecweb.com. Je me suis trompé sur l'adresse mail. C'est bien @studecweb.com et non pas studioecoledefrance.com. Alors faites comme Jérémy de Dijon et Noémie de Strasbourg, puis qui ont été sélectionnés aujourd'hui et vont être représentés par nos chroniqueurs. Romain, tu vas jouer pour Jérémy. Et oui. Robin, tu vas jouer pour Noémie de Strasbourg. Je vous rappelle le principe, nos chroniqueurs vont devoir deviner quel animateur se cache derrière cet extrait. Mondial, c'est les images d'un déni, je crois, en fait. Ce qui nous a intéressés, nous, c'est comment on en est arrivé là. Et très franchement, il y a beaucoup d'industriels qui ont compris dès les années 70 que le plastique était une catastrophe pour l'environnement. Il y a des scientifiques, on les a retrouvés, qui ont fait des rapports pour des grands industriels, notamment comme Coca-Cola, mais pour d'autres aussi, hein, y compris en Europe, en disant, attention, vous allez laisser tomber la consigne en verre, vous allez adopter le plastique, c'est la mauvaise solution pour la planète et pour l'environnement. Alors, je vais vous donner un petit indice. Elle a eu la Légion d'honneur par le ministre de la Culture. Alors, est-ce que, Robin, tu as une idée ? C'est une animatrice, c'est ça ? C'est une femme ? C'est une femme, exactement. Elle a fait des radios ?

Comme chaque jour sur Studiac Web, on vous replonge dans une émission culte et aujourd'hui on s'intéresse à une émission de 1990. Et aujourd'hui je me suis intéressé à un jeu culte, La Famille en Or. The jingle. L'émission est diffusée sur TF1 du 9 juillet 1990 au 1er janvier 1999. Et puis sa diffusion reprend sur cette même chaîne le 21 mai 2007. Alors le principe du jeu, deux familles s'affrontent, chaque famille est composée de 5 membres dont un capitaine. Le but du jeu est de répondre à des questions ouvertes posées à un panel de Français sondés composé de 100 personnes et de trouver les réponses les plus fréquemment données dans ce panel. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission avec le premier présentateur qui a présenté l'émission sur TF1, Patrick Roy. Il faut 4 réponses. La question est courte. Quel animal pond des œufs ? La poule. Pas bête, Stéphane. La poule. Il y a eu plusieurs présentateurs dans cette émission, dont Laurent Cabrol. Il a été le présentateur de l'émission de 1992 à 1997. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or, en jouant avec Laurent Cabrol. Bon après-midi, bonjour à tous. Nous allons jouer. Voulez-vous jouer avec nous? J'en suis certain. Vous qui êtes devant votre téléviseur, vous répondez oui. Christophe de Chavannes, a été le dernier animateur à avoir présenté le jeu sur TF1. Bonsoir, je sens que ça va être chaud ce soir. C'était Bernard Montiel qui avait présenté le jeu. Je vous conseille de rester cette petite demi-heure dans notre compagnie. On va poser des questions simples, on va surtout beaucoup s'amuser. Et je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Famille Golo à nouveau, famille vainqueur, bonsoir Sandrine. Je vous le refais pas le coup, hein. Golo dans la case, ça fait un peu lourd à force. Alors je le referai pas. Alors ça, c'était Bernard Montiel qui a présenté l'émission de 1992 à 1987 et de 1997 à 1998. Christophe de Chavannes était aussi présentateur. La main sur le buzzer, parce que vous allez essayer de répondre à une question qu'on a posée à 100 personnes. Ils ont répondu tant bien que mal, vous allez faire pareil pour aller en finale et peut-être 100 000 euros à partager avec un téléspectateur et sa famille. La voici, cette question. Que peut-on avoir fait la veille lorsqu'on se réveille avec des courbatures ? Édouard. Du sport. Du sport, c'est là-bas. De la pelote basque. Ça, c'est un vrai sport, la pelote basque. Hein. Eh ouais. C'est chaud, ça. Et révolution dans le jeu, l'animateur se lâche et ça apporte une touche d'humour. Au travail, où peut-on faire l'amour ? Oh, c'est parti d'un coup. Ouais, non, moi, je ne fais jamais l'amour. Non, du moi non plus, je suis animateur. Animateur, pas couché, pas popo. Rien. Et pour faire information, l'émission est revenue sur C8 en 2017 sous le nom de Family Battle, mais le public n'était pas au rendez-vous. L'émission est restée 2 mois à l'antenne. Et bien, vous voulez en savoir plus sur l'émission, vous avez tous les épisodes du jeu sur YouTube et sur Dailymotion. Et vous allez découvrir ce qui s'est passé hier à la télé grâce à Robin et son Zap dans un instant, mais avant 2 minutes d'info. Studec Web, les infos. Et ça se passe avec William Baudry. Bonjour William. Bonjour Adrien, bonjour à tous. 12 personnes sont mortes dans une fusillade qui s'est produite hier soir près de Los Angeles. C'est un ancien soldat âgé de 28 ans, Ian David Long, qui a ouvert le feu dans un bar discothèque où une centaine d'étudiants étaient présents. L'assaillant a lui aussi perdu la vie, mais on ignore pour l'instant les circonstances exactes de ce décès. Il se serait a priori suicidé. En avril, des policiers se seraient rendus chez lui. L'homme agissait de manière irrationnelle et des experts en troubles psychologiques sont alors venus chez lui. Il reste en revanche à déterminer le nombre de personnes qui ont été blessées lors de cette fusillade. En France, la confiance envers le couple Emmanuel Macron-Édouard Philippe a de nouveau diminué. La cote de popularité du président a chuté de 3 points et atteint 27%. Même score pour le Premier ministre qui perd lui 1 point. Ces résultats proviennent d'un sondage Elab qui a été publié aujourd'hui. Pour le couple exécutif, il s'agit du niveau le plus bas depuis le début du quinquennat. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est la cible de nombreuses critiques depuis les effondrements de 2 immeubles vétustes. Il appelle l'État à faire évoluer la réglementation pour faciliter et accélérer les procédures contre l'habitat indigne. Il a également écarté toute idée de démission. Au total, 6 corps ont été extraits des décombres des immeubles qui se sont effondrés. 2 immeubles voisins vont être démolis par sécurité. L'opération va alors entraîner la suspension des opérations de recherche. 2 autres victimes sont encore potentiellement ensevelies. Philippe Narmino, ex-directeur garde des Sceaux de Monaco, a été mis en examen. Les chefs d'accusation sont les suivants: trafic d'influence passif et actif et corruption passive. Il a ainsi été inculpé aux côtés du milliardaire russe et propriétaire du club de foot Dimitri Ribolovlev. Lui aussi est soupçonné de corruption. Les deux hommes apparaissent dans un scandale révélé en 2017 où une procédure avait été engagée à l'encontre de l'ancien marchand d'art de l'oligarche russe. Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur de Guingamp qu'il a dirigé de 2010 à 2016. Le club breton dernier du championnat de France avait limogé Antoine Comboiré pour ses mauvais résultats. Didier Deschamps a lui annoncé sa liste de convoqués pour les deux derniers matchs de l'année. Les Bleus affronteront les Pays-Bas et l'Uruguay les 16 et 20 novembre prochains. Le sélectionneur a rappelé Anthony Martial en forme avec son club de Manchester United. Lucas Hernandez est quant à lui absent puisqu'il est touché à la cuisse. On termine avec la météo. Le soleil sera bien présent jusqu'à la tombée de la nuit sur la majorité du territoire. Peu de nuages viendront perturber ce temps agréable. Ce soir, le ciel demeurera assez dégagé dans l'ensemble, mais des nuages et même de la pluie feront leur apparition sur la région PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera 11 degrés à Bordeaux et Paris, 16 à Montpellier, 10 à Nancy et Rouen, 14 à Toulon et 9 à Lyon. Je vous laisse en compagnie de l'Heure Média, présenté par Adrien. Merci William. Prochain point sur l'actualité à 17h. Studec, l'infotrafic. Sur la route, le trafic est-il toujours fluide, Tony ? Eh bien, c'est compliqué, Adrien. Les embouteillages commencent à ralentir le trafic. La circulation se complique sur le périphérique intérieur ouest de la sortie vers l'autoroute A1 à l'intersection de la Nationale 13. Sur l'autoroute A86 de Versailles à Créteil, un accident corporel s'est produit. Un poids lourd est impliqué. Des chargements sont toujours présents sur la route. Concernant le métro parisien, la ligne 9 de Pont-de-Sèvres à Mérine-Montreuil est toujours perturbée à cause d'une panne de signalisation. Merci Tony, bon courage à ceux qui sont sur la route. Pour vous accompagner, c'est Don Diablo et Emily Sandé. We survive the thunder and escape the hunger. And sometimes I wonder how we got the... Who knows what the last is? We don't need no answers, cause we stand and serve as living proof. Catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son, bro, crazy running to the hundreds. I keep my neck in. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky. I fly to Amsterdam for the right fee. These dudes ain't nothing like me, they car thieves. I booked up for the night, paid a bar fee. Told the toilet to the game, Black Wall Street. Shark blue coupe with the shark feet. Once a millionaire can't get them off me. Put your man, I can't catch me falling. We survive the thunder and escape the hunger. And sometimes I wonder if we got the... Who knows what the last is? We don't need no answers, cause we stand to serve as living proof. You got a fast car, I got a dream of something. You are a hot wire, I like to push your buttons. We gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking backwards. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us outrageous, well how about now? Gucci man and Don catch me ballin' out of line. Did some braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief. C'est une nouveauté Studec Web, c'est Don Diablo. Este domingo solo por Univision. Ah là là, il y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur Studac Web. Hier, Robin, tu as regardé attentivement la télé pour nous dénicher le meilleur. En effet, et on démarre avec une retraitée qui pète un grand coup de gueule sur la vie qu'on s'est retraitée face à Emmanuel Macron qui était hier à Charleville-Mézières pour les hommages du centenaire de la Première Guerre mondiale. Écoutez plutôt. Grand-mère, arrière-grand-mère, dites-moi. On n'arrive plus à nourrir nos... On peut même plus gâter nos petits-enfants. Nous, je retravaille, j'ai 65 ans, mon mari 70, on retravaille en restauration. Il faut payer les impôts pendant un an, là, je paye des impôts parce que j'ai travaillé trop. On n'arrive même plus à vivre. Romain, dans ce Zap TV, tu peux revenir sur un fait d'actualité ? Oui, Adrien, beaucoup de médias ont trouvé scandaleux que l'hommage rendu ce samedi ne concernerait pas le maréchal Pétain. On écoute toutefois la réaction de notre président qui s'est exprimé hier sur l'antenne de BFM TV. Je n'ai aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. On quitte le monde politique pour aller dans le divertissement. Et oui, hier TPMP a fait une révélation aux téléspectateurs en nous expliquant les coulisses d'une émission qui passe actuellement sur M6. Les chéris, on a le Père Noël qui est masqué, qui dit à Kelly... qu'est-ce qui se passe, Kelly ? En fait, il l'appelle tous les ans et Monsieur Père Nono ne veut pas y aller parce que tout est truqué là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Père Noël ? Je suis magicien, j'ai une société d'événementiel, donc tous les ans il m'appelle parce qu'il manque de concurrents. Et en plus, c'est truqué. Et en plus, quand on signe... Pourquoi c'est truqué ? C'est truqué parce qu'ils savent qui va... Du côté de la télé-réalité, que s'est-il passé ? Eh ben, notre amie Jessica des Marseillais versus le reste du monde a décidément du mal à parler français. Au lieu de crier, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ouais. Il fallait présenter la météo. Mais enfin, vraiment, un français et la, c'est quoi la carte non, de la non, France ? Non, c'était super compliqué. Il y avait l'acupuncteur. L'acupuncteur. L'acupuncteur. On touche le fond quand même là avec cet extrait là. Mais carrément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Adrien. Un nouveau Zap demain avec sans doute quelques émissions ce soir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme, Robin ? Alors ce soir, il y a Danse avec les stars exceptionnellement. Il y aura beaucoup de cinéma avec sur M6 et aussi sur TFX, mais aussi sur ces stars pour ce qui est de la TNT. On en saura un plus dans un petit instant. Puisque de toute façon, on va revenir avec pour répondre à vos questions. Romain, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous poser une petite question avant de commencer ? Ben, vous pouvez déjà envoyer vos questions sur les médias, sur la page Facebook Studec Web et le hashtag Studec Web. On a un fou rire, je suis désolé. En fait, c'est que Romain, il a apporté dans le studio un tournevis. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il va bricoler avec. Mais enfin bon, on va le savoir dans un instant. Pendant l'émission, je fais la maintenance en fait. C'est ça. On répond dans un instant à toutes vos questions. On revient avec le programme télé. Et puis dans un instant, vous allez pouvoir aussi entendre France Gall avec Il jouait du piano debout. Ah, ça, j'adore. Dans un instant. Ah, c'est bon, dans ça. Un tout petit instant sur ce web. Ne bouge pas. Arrête avec ton tournevis, toi. Vous cherchez un moyen pour vous détendre après avoir déjeuné ? Ne cherchez plus, Studec Web a la solution pour vous. De 14h à 15h, on vous donne l'essentiel pour vous détendre dans votre deuxième réveil de la journée. Au programme, les infos dont tout le monde se fout mais qui font rire, vous venez chaque jour nous donner votre avis sur un sujet dans le dos du jour. Et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studec Web en jouant au jeu du booster. Le coup de boost, c'est de 14h à 15h sur Studec Web. Robin, dis-nous quels sont les programmes à ne pas manquer à la télé ce soir. Et on débute avec exceptionnellement Danse avec les stars ce jeudi sur TF1 où les couples encore en lice devront faire face au défi des juges. Nouveauté de cette année 2018, ce prime permettra aussi à la double notation de revenir. Technique et artistique seront jugés et bien évidemment un couple devra quitter la compétition en fin de la fin de la soirée. C'est injuste. Bah oui, malheureusement, mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Sur M6, vous avez rendez-vous avec du cinéma et le film Ne le dit à personne avec François Cluzet, Marie-Jose Cosé et André Dussollier. 8 ans après l'assassinat de sa femme, un pédiatre replonge dans l'angoisse lorsqu'un mail lui laisse entrevoir que son épouse est peut-être vivante. Un thriller à voir donc à partir de 21h sur M6 après Scène de ménage. Et c'est un très bon film. Tu l'as voulu. Pardon. J'ai oublié mon micro. Tu nous parles d'un film qui pourrait donc plaire à tout le monde et plus particulièrement aux filles. Oui, c'est ça. C'est George Clooney qui, oui, c'est les filles qui pour faire craquer sur ces stars qui diffusent le film The American avec George Clooney dans le rôle d'un tueur à gages qui prend sa retraite dans un village d'Italie. Après une mission qui a mal tourné, il accepte un tout dernier contrat. Vous êtes américain ? Si, senior. Je travaille en vacances. Vous avez les mains d'un artisan. Vous êtes doué pour la mécanique. Je fais mon métier. Vous avez beaucoup pêché. C'est le propre de l'homme. J'avais mes raisons pour tout. Et enfin, je voulais rajouter que sur TFX, il y avait un tout autre film avec Voisin du troisième type. Avec Ben Stiller, il est accompagné de Joanne Hill. L'histoire en quelques phrases dans une banlieue tranquille des États-Unis. Un habitant crée une milice de quartier et ensemble ils vont découvrir que des extraterrestres ont envahi leur ville. Chaque jour, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour Glenview. C'est pour ça que j'ai créé le club de course à pied, les cours d'espagnol au foyer municipal et la brigade de voisinage. Kaboom! Donc c'est à quoi ça? Eh les gars, j'ai trouvé un truc. Il y a une invasion extraterrestre qui se prépare. Donc c'est à 21h sur TFX. Maintenant c'est l'heure du choix, Adrien. Qu'est-ce que tu vas regarder toi? Bah justement, alors je ne suis pas une fille, mais pourtant je vais quand même regarder George Clooney parce que ça a l'air d'être un film assez intéressant. Donc c'est ce que je vais regarder ce soir. D'accord. Moi je vais regarder le film d'L6, Ne le dites à personne. Oui, avec que j'avais bien aimé la première fois que je l'ai regardé. D'accord. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu vas regarder ce soir? Moi, Voisin du troisième type, ça a l'air super ça. Hein. D'accord. Ça a l'air ouais, des extraterrestres et tout, j'adore. Bah voilà. Allez, une question, une interrogation sur le fonctionnement des médias, bah posez-les-nous déjà sur Facebook et Romain vous y répondra. Vous êtes les acteurs de leurs médias. On répond à vos interrogations. Et ça, c'est avec Romain. Eh oui. Et alors, pour la première question, pourquoi n'y a-t-il presque plus d'émissions diffusées en direct? Alors, il est de plus en plus rare de voir la mention en direct s'afficher en haut de l'écran. Après les attentats de Paris, le ministre de l'Intérieur a recommandé aux chaînes de prévoir un léger différé d'une à deux minutes pour les émissions de divertissement en direct produites en studio et en public. C'est aussi pour prévenir la diffusion de l'intervention d'une personne du public qui aurait des revendications diverses ou insultantes envers l'animateur. Pourquoi le son des publicités semble-t-il plus fort que celui des programmes? Alors, ce sont les publicitaires qui jouent astucieusement, sur la compression du dynamique du son pour augmenter les faibles intensités de leur niveau maximal. Pour en résumer, vous entendez bien la pub. Pourquoi y a-t-il plus de la pub à la télé et à la radio? Alors, c'est pour permettre à l'établissement de vivre. S'il n'y avait pas de rentrée d'argent, la radio ou la télé ne pourraient pas vous proposer des programmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dès maintenant, posez-les nous sur Facebook et Twitter avec le hashtag Leurs Médias, car c'est aussi vos médias. On y répondra demain parce que c'est déjà quasiment 17h et c'est l'heure d'accueillir l'équipe du Grand Prime Studex. C'est le GPS pour vous accompagner avec Dove et cette fois-ci, il n'est pas en retard. Bonjour Dove. Salut Adrien. Et oui, je ne suis pas en retard aujourd'hui, tant mieux. Alors dans un instant, il y aura le plein phare. Vous allez parler de quoi dans le plein phare? Dans le plein phare, c'est Rémi qui parlera de la vie d'un parolier, Étienne Rodagil. Et vous allez aussi parler de l'histoire d'un artiste dans le Vinyl Story. Et c'est quel artiste aujourd'hui? Romain qui parlera de Change. Eh bien, en tout cas, on se retrouve tout ça dans un instant. De toute façon, est-ce qu'il y a un hashtag pour réagir à votre émission tout au long? Il y a la page Facebook Studegweb, tout simplement, @studegweb sur Facebook. Et vous envoyez vos messages, on les lit. Leurs Médias, nous, c'est fini pour cette semaine. On remerciera aussi les techs, donc que ça soit Alan et là, j'ai oublié son prénom. Florian. Parce que à chaque fois, là, je le vois s'esclaffer derrière la vitre. Je suis désolé, Florian. Et puis aussi, je remercie quand même Robin et Romain qui m'ont accompagné, ainsi que Tony. Merci. Qui nous a accompagnés. Et puis on se retrouve lundi à partir de 16h. Enfin, lundi dans 3 semaines à partir de 16h. Et vous allez retrouver une nouvelle équipe 16h à lundi. Tout de suite, c'est on joue du piano de vous. France Gall sur Studequab. Au revoir. Que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange.